renseignement précis. Le jour où la chose advint, le gros Léon, dont les idées étaient aussi chancelantes que ses jambes, n'y songea guère. Mais une fois la bordée tirée et l'ivresse laborieusement cuvée, c'est-à-dire 3 jours francs après l'heure où elle débuta modestement par l'offre d'une bouteille à son ami Zidore, il ne put s'empêcher de se dire que ce dernier était une franche fripouille et qu'il ne l'y reprendrait plus. Un renseignement, n'est-ce pas? C'est un renseignement. Et Longeverne, bon Dieu, ce n'est pas la Normandie, puisque c'est la comté, la vieille comté de Bourgogne, où l'on ne doit pas se permettre de jouer traîtreusement sur les mots. Voici les faits. Un beau soir du bon vieux temps, le gros Zidore, ayant soif, passa comme par hasard devant la maison de son ami Léon, qu'il trouva sur le pas de sa porte. « Salut, ma vieille branche, » s'écria-t-il. « Ça boulotte ?»« Oui, pas mal, et toi ?» Les deux hommes, s'étant enquis cordialement de leur santé respective, parlèrent de la pluie et du beau temps, puis transportèrent la conversation sur divers autres sujets d'un intérêt tout aussi palpitant. Ensuite de quoi, le gros Zidore, à brûle-poil, fit à son ami la proposition suivante. « Si tu voulais payer 1 litre, je t'enseignerai 1 lièvre. »« Ah là là !» ricana Léon. « Si t'en savais un, tu n'en parlerais pas comme ça ?» et t'irais bien vite tout seul le nettoyer. Oh, si j'avais le temps, oui, bien sûr. Mais malheureusement, la charrue me presse. Tant qu'à rien à faire, qu'est pas cultivateur et qu'à toutes tes minutes, tu peux aller, et s'en sera toujours un que les chasseurs du pays voisin n'auront pas. Tant qu'à ne pas l'avoir, j'aime mieux que ce soit toi qu'un autre qui profite de mon renseignement. Et un bon renseignement, ça vaut quelque chose. Tu peux bien payer 1 kilo, c'est un gros lièvre. T'es si blagueur, objectait Léon, en se grattant la tête. Isidore Cachot et Léon Coulot étaient en ce temps-là les 2 chasseurs de Longeverne. Comme ils avaient du bien au soleil, des écus en poche, qu'ils étaient par conséquent des gros du pays, on les désigna généralement le premier sous le nom de Gros Isidore, le second sous celui de Gros Léon, appellation qu'ils leur seyaient d'autant mieux qu'ils avaient conquis, comme il convenait à leur âge et à leur position sociale, la pointe de Bedon qui confère toute son importance aux campagnards cossus. Tous deux aimaient à boire et étaient grands amis. Le gros Zidore faisait de la culture. Le gros Léon, qui avait épousé une femme riche, ne faisait rien, ses 3 000 francs de rente lui permettant l'oisiveté. Il charmait les heures en se promenant, en chassant et en buvant. À ce petit commerce-là, il se ruinait lentement, tandis que son ami, plus roublard, s'enrichissait encore. Il est juste d'ajouter que si Zidore aimait à boire ainsi que Léon, c'était surtout aux frais de ce dernier, et qu'il avait pour arriver au but diverses cordes à son arc qu'il savait utiliser au mieux des jours et des circonstances avec une très grande sûreté de main. Comme ils étaient en ce temps-là les 2 seuls fusils de la commune, dès qu'un paysan avait repéré les lieux et heures de sortie d'un lièvre, dès qu'il pouvait indiquer, à 50 mètres près, l'endroit où l'oreillard rentrait en forêt, son canton de remise et souvent même son gîte, il s'en venait annoncer la chose à l'un ou l'autre des 2 compères en lui disant « Je vais t'enseigner 1 lièvre ». Un tel tuyau se récompensait habituellement par l'offre d'une bouteille, et les malins, après avoir passé chez l'un, se rendaient chez l'autre, de sorte qu'ils profitaient, le vin étant assez rare alors dans les ménages, de 2 bouteilles au lieu d'une. Le renseignement connu, les 2 amis jouaient au plus habile. Rivaux, comme tout bon chasseur, c'était à qui raserait à l'autre le lièvre indiqué, et le roulé subissait naturellement les quolibets du vainqueur. Le gros Léon, se montrant plus généreux, avait généralement de meilleurs tuyaux que son confrère, lequel, en secret, lui gardait bien un peu rancune de la chose. D'ailleurs, les indicateurs, gens avisés, avaient haussé peu à peu le taux de leurs renseignements. S'ils commençaient par réclamer 1 litre pour prix de leur démarche et observation, dès que le 10 flacons était liquidé, ils en faisaient venir 1/2, 1/3, et même, si le temps point trop ne les pressait, 1/4 et 1/5, menaçant, au cas où Léon eût fait de la rebiffe et au mépris des conventions, d'aller, séance tenante, révéler l'existence de l'oreillard au gros Isidore. Pour empêcher une telle révélation, Léon eut vidé son tonneau. Au bout d'un certain nombre de litres, il n'était d'ailleurs plus nécessaire de stimuler par des menaces sa générosité. De son chef, il descendait à la cave, remontait litres et carafes, invitait les amis qui passaient, même le gros Isidore, et cela se terminait habituellement par une cuite générale dans laquelle tous roulaient sous la table. Ce jour-là, le tuyau offert par le gros Isidore pouvait bien paraître suspect à gros Léon, qui formula des objections. « C'est Gibus qui me l'a dit, » affirma l'autre, « même que j'ai dû lui payer un litre et une goutte de vieux homard. »« Gibus ?» sursauta Léon. « Ah, le chameau, il m'avait juré, quand il saura un lièvre, de ne l'enseigner qu'à moi-même. Quand est-ce qu'il t'a... »« Ah, il tient qu'à toi de le savoir. Paye 2 litres et je te dirai tout. » Après s'être un peu fait tirer l'oreille, Léon, tenaillé de curiosité, céda enfin. Il emmena Isidore dans la chambre du poêle et s'en fut quérir 2 flacons. Le plus dur est fait, pensa Isidore, qui dès le premier litre commença par détourner adroitement la conversation et se mit à parler du cours des bestiaux aux dernières foires de la région, ainsi que de la récolte et de la vendange. Dès le 2e litre, il entama les souvenirs du régiment. Il passa la revue de tous les camarades de chambrée et de tous les chefs, du colon au dernier des cabots, en passant par le capiston, le lieutenant, le juteux, le doublard et le pied de banc. Il narra toutes les histoires de la compagnie dont il se souvint, en inventa d'autres, submergea son camarade sous un flux d'évocations et de réminiscences, tant et si bien qu'il lui fit oublier tout à fait la raison pour laquelle il s'était attablé et lui fit remonter quelques autres bouteilles. 2 heures avaient passé. Le carcan, ayant appris qu'il y avait ripaille, s'était amené sous prétexte d'un outil à emprunter et s'était joint à leur chantier. Théodore, venu pour chercher le carcan, avait fait de même. Pigy vint pour un autre motif, et l'Augu et toute la bande joyeuse des bons soifards du pays. Tout à fait lancé maintenant, le gros Léon remplissait et vidait litre sur litre. Mais Gibus, attiré par l'odeur, s'amena lui aussi, et son apparition subite rappela tout à coup au gros Léon le motif de ses libations. C'est pourquoi il poussa une exclamation énergique en interpellant l'arrivant. « Canaille, pourquoi que tu me l'as pas dit à moi, où ce qu'il était ce lièvre ?»« Quel lièvre ?» fit Gibus étonné. « Alors, c'est ce menteur de Isidore qui m'a monté le coup ?»« Moi ?» protesta Isidore. « Je t'ai dit des blagues? Jamais de la vie? Gibus va dire si j'ai menti. » Et prenant l'autre à témoin, « Ne m'as-tu pas raconté avant-hier qu'en allant à la foire à Sensé, après avoir dépassé la ferme de Féilie, à 6 kilomètres d'ici, entre les 2 bois, t'avais vu un lièvre qui passait sur la route, il y a de ça 3 semaines à peu près? » « Oui, c'est bien vrai. » « Eh ben alors, qu'est-ce que t'as à me traiter de menteur, gros Léon ?»« Oh !» s'exclama l'autre. « Où veux-tu que je le retrouve, cet oreillard ?»« Ça, mon ami, » rétorqua Isidore, « c'est pas mon affaire et je m'en fous. Je t'avais promis de t'enseigner un lièvre, c'est fait. Tu me dois 2 litres, paye-les. Quant à l'oreillard, si tu le rencontres, tu lui donneras le bonjour de ma part. » « Tout de même, oui, » conclut gros Léon, « Isidore est une fripouille. Mais pour ce lièvre-là, ça n'avait pas d'importance, puisque j'étais si paf que j'aurais même pas pu le tirer. »